Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Forum Jeune et c'est tous les lundis à partir de 17h sur la radio Isanganiro. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler du métier de dessinateur et des débouchés qui s'offrent à lui. Un dessinateur est une personne pratiquant le dessin. Le dessin résultant du travail d'un dessinateur peut être artistique, documentaire, technique ou une base de travail pour d'autres professionnels. Ici au Burundi, il commence à se remarquer une augmentation du nombre de jeunes dessinateurs. Le plus souvent, ils sont vus lors des événements organisés par les jeunes ou parfois on voit leurs œuvres sur les réseaux sociaux. Chacun a son style et développe des thèmes diversifiés qui leur permettent d'être étiquetés de dessinateurs professionnels. À côté de cela, quels sont les avantages que présente ce métier? Quelles sont les contraintes que rencontrent ces dessinateurs lors de leur parcours? Pour répondre à toute cette question, nous sommes avec Alain Mutore, membre d'une association nommée Chakar, qui regroupe des jeunes au talent de dessinateurs. Bonjour et bienvenue, Alain. Bonjour. Nous sommes également avec Shakil Mugisha, président de Chakar. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti. Et au micro, vous êtes avec Alida Ndaikeza. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, Forum Jeune / Radio Isanganiro. Bienvenue encore. Isanganiro, la radio de l'avenir. Pour parler de notre sujet, commençons par une première question, Alain. Comment avez-vous découvert que vous étiez dessinateur? Quels ont été vos débuts? J'ai découvert que je savais dessiner quand j'avais 15 ans. C'était en 2008. Mm-hmm. Et j'ai été aidée. C'est le prof qui me donnait le cours de dessin artistique qui me l'a fait remarquer surtout. Mm-hmm. Et tu étais en quelle année? J'étais en 9e année. Mm-hmm. Oui. Alors, il a continué à m'encourager. Mm-hmm. Et après, il a créé un club d'art, mm-hmm, dans lequel j'ai participé. Mm-hmm. Et c'est là qu'il a continué à me former, quoi. Et tu dessinais n'importe quoi ou c'était des sujets précis qu'on te disait de dessiner? Je faisais des portraits, mm-hmm, mais aussi je faisais des dessins de nature. Mm-hmm. Oui. Shakil, quels ont été tes débuts? J'ai commencé ma carrière à l'âge de 6 ans. Mm-hmm. C'est là que j'ai commencé à dessiner. Mm-hmm. De n'importe quoi, ou les voitures, parce que les garçons avec les voitures, on sait que... Moi, je dessinais les bandes dessinées, les dessins animés, bon, par exemple, Masse Pyramide, mm-hmm, les Titeuf, donc mm-hmm, les dessins animés que nous voyons sur le TDV. Mm-hmm. Ouais, sur la télé. Uh-huh. Et question école, tu n'étais pas obligé de dessiner ce que l'éducateur te disait de reproduire? Non. Mm-hmm. À l'école, on pratiquait le dessin artistique, non, mm-hmm, pas le dessin que moi je fais. Moi, je fais des dessins réalistes. Mm-hmm. Donc, il y a la différence entre les dessins. Tu peux expliquer un peu parce que là, on est... moi, je suis profane. Hein? OK, les dessins réalistes, ce sont des dessins qu'on... Bon, quand tu vois, tu peux voir qu'il y a plein de détails. Mm-hmm. Donc, tu peux voir les fissures, le contraste, mm-hmm, dont tu peux régler les luminosités. Mm-hmm. Ce n'est pas la même chose que les dessins que nous pratiquions à l'école, donc, mm-hmm, les dessins artistiques. Mm-hmm. Les dessins artistiques, c'est juste des petits dessins pour les enfants. Mm-hmm. Oui, est-ce que tu as, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, tu as suivi une formation ou tu t'es seulement formé toi-même? Non, je n'ai pas suivi des formations, mais j'ai fait des études en architecture. Non, mm-hmm, pas l'art que... Mm-hmm. L'art, pour l'université? Oui, pour l'université, mm-hmm, oui. On peut dire que ça a un peu influencé. Oui. OK. Alain, mm-hmm, tu as suivi une formation ou pas? Non. Mm-hmm. Tu t'es formée? J'ai été formée par le prof, mm-hmm, mais ça n'a pas continué. Mm-hmm. Parce que quand j'ai quitté le lycée, mm-hmm, on a cessé de se voir, donc... Mm-hmm. Ça n'a pas été une formation continue, quoi. Mm-hmm. Et quel est le matériel que tu aimes utiliser? Le crayon. Mm-hmm. Mm-hmm. Crayon seulement? Oui. Pas utilisation des logiciels pour modification? Non. Shakil? Moi, j'utilise des peintures, des crayons. J'utilise même des logiciels. de Photoshop, cinéma 3D. Est-ce que quand tu utilises ces logiciels, il n'y a pas trop de modifications parce que dessin, ça veut dire la main seulement? Non, les logiciels, j'utilise quand je fais des caricatures, non pas les portraits. Les portraits, c'est avec crayon ou avec peinture. Mais si je vais faire des caricatures, si je vais faire des bandes dessinées ou des dessins animés, j'utilise l'ordinateur. Ouais. Et quel a été le budget de départ? Tu as commencé avec quoi? Bon, j'ai commencé avec 100 francs. 100 francs. 100 francs. 100 francs. Oui, oui. Bon, on précise. Parce que à cette époque-là, le papier coûtait 20 francs, le crayon 50 francs. Oui. Et les 30 francs, tu les as utilisés avec... Tu avec as acheté d'autres la gomme. Papiers. Je n'avais pas de gomme. Le gomme était sur le crayon. Sur le crayon ouais. Et tu dessines directement? Oui. Sans regarder une photo ou... Bon, à cette époque-là, je regardais les bandes dessinées. Je reproduisais les images que je voyais dans des bandes dessinées ou dans des dessins animés qui venaient de passer à la télé. Alain, le budget de départ, c'était combien? Je dirais un crayon seulement. Un simple crayon, c'est 700, ça m'a coûté 700 francs parce que c'était un crayon un peu... à haute qualité et une feuille. Je suis étudiante, donc les feuilles, c'est ça n'est pas difficile de trouver. Oui. On a déjà vu que le dessin ou être dessinateur, c'est un univers qui est constitué par beaucoup de garçons ou d'hommes. Est-ce que toi, ça ne t'a pas freiné? Non. Non. Tu t'es lancé direct. Oui. Oui, j'aime les défis. J'aime les défis. Oui. Donc, ça n'a pas été facile. Mais quand même, j'ai compris que tu fais partie de l'association de Shakil, Jakar, qui est Shakil avec art. Une importance. Pourquoi le choix du nom? Ok, j'ai compris que c'est Shakil. Mais quand même, il y a d'autres membres comme Alain. Comment dirais-je? Bon, ça m'est venu par hasard. Et tu as formé les autres, comme Alain? Oui. Non, pas les former. Bon, ils avaient du talent, mais c'est juste pour les soutenir, pour améliorer leur talent. Est-ce que la famille vous a suivi dans le choix de mettre en œuvre votre talent? Franchement, avant, c'était un peu difficile. Comment? On m'a mise en garde parce que j'avais mes études à suivre. Et tu fais quoi maintenant? En gestion, je suis en gestion et administration. Oui. Donc ils m'ont soutenu mais ils m'ont mise en garde en même temps. Ils m'ont dit OK, tu peux dessiner autant que tu veux mais surtout n'arrête pas tes études. Et ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur que j'abandonne, bien que j'échoue. Oui. C'est pas quelque chose que tu fais à côté des études ou de ta vie privée. Tu le fais pas tous les jours quand même? Non. Tu le fais tous les jours? Non, quand j'ai du temps, quand j'ai pas des choses à étudier, là je dessine. C'est là où tu dessines, donc genre la pause. Oui. Et la famille t'a suivi, c'est un soutien pour toi? Est-ce que d'abord ils comprennent? Oui, ils comprennent. Moi ils comprennent la famille. Bon, mais par contre, avant... quand j'avais 8 ans, 7 ans, à cette époque-là, la famille n'appréciait pas les choses que je faisais. Parce que ma mère me disait, non, fais des études, tu ne fais pas l'art, fais les études. Bon. Les études venaient avant. Mais moi, je voyais que c'est ma passion, je voyais que j'aime dessiner. C'était comme une drogue, je dirais comme ça. Si je dessine pas, je sentais dans mes mains qu'il y a quelque chose qui brille dans moi. Et par moyenne, tu dessines combien de fois? Par jour ou par semaine? Par jour, je dessine au moins 2 fois. Oui, je peux prendre au moins 8 heures par jour pour dessiner. De 8 heures du matin, des autres 8 heures. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que tu fais? Non. Bon, je fais d'autres choses. Je suis même un jeune entrepreneur. Je fais d'autres choses, du business. Non, je ne fais pas de l'art sûrement. Est-ce que c'est facile d'avoir des marchés pour écouler tes produits? Oui, je cherche des marchés ici et là, à l'étranger, au Rwanda, Kenya, en Ouganda. Parce qu'au Burundi, il est difficile de mettre, de t'exprimer, pour que les gens sachent ce que c'est l'art. Donc, Au Burundi, on n'a pas encore donné la valeur à l'art. Donc, c'est pour cela que je pars au Rwanda, au Kenya, en Ouganda. Mmh, mmh. Donc, ce sont des pays voisins qui sont un peu développés, donc, qui sachent ce que c'est l'art. C'est pour cela que je pars en Ouganda. Alain, est-ce qu'il y a des produits que tu as déjà vendus? Non. Produits made, Alain? Non, non. Pas encore. Mmh. Oui. Donc, tu dessines pour les particuliers, pour... Comment tu fais pour te faire connaître? Oui, mais si une fois j'ai quelqu'un qui me demande de faire un portrait pour de l'argent, je refuse pas. Oui, il est le bienvenu. Mais en même temps, surtout ce que je fais maintenant, c'est me faire remarquer. Oui. Et tu le fais comment? Tu participes à des événements, à des foires, à des expos? Non, pas encore, mais je dessine. Avec les des autres, ils me donnent des conseils et j'essaie de les suivre. Après, je publie mes dessins. Oui. Et tu aimes publier tes dessins où? Sur mon compte Facebook. Oui. Et qui est suivi par combien de non, de personnes? Ce n'est pas une page. Oui. Donc compte privé. Oui. Shakil, tu as déjà participé à des foires, à des expositions? Oui, oui, j'ai déjà gagné même 5 trophées. 5 trophées, donc la première. Ici trophée, au Burundi ou dans la région? Bon, partout. Ici au Burundi, c'était à l'IFB. Bon, c'était en l'an 2000, l'an 2008-2009. Donc, nous avons fait sur le thème femme africaine. C'était l'autre trophée, je l'ai remporté en 2010 à l'IFP même. L'autre, c'était en 2013. L'autre en 2014, l'African Design Art Award, c'était au Kenya. C'était une compétition qui rassemblait des pays de l'Afrique de l'Ouest, donc de l'East Africa. L'autre, c'était l'Académie des Talents, donc qui a eu lieu en 2015, ici au Burundi même. Donc, on comprend qu'avec ton parcours, tu as déjà côtoyé beaucoup de monde. Oui, oui. Une petite question, Alain. Est-ce que... Pourquoi seulement s'intéresser au dessin qui peut perdre la qualité de l'image et non pas s'intéresser à la photo? Parce que la photo, il y a les détails, il y a la capture de ce qu'on voit. Pourquoi ne pas se focaliser plus sur la photo par rapport au dessin? Donc, si j'ai bien compris ta question, tu veux que je m'intéresse à la photographie. Pourquoi le choix du dessin? Parce que la photo, elle montre plus les détails et il n'y a pas de perte de qualité. Au fait, je me pose cette question. Au fait, premièrement, je suis passionnée par l'art, l'art de dessin, de dessiner. Et c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Et ça me plaît quand je vois que je suis arrivée à reproduire une image telle qu'elle est. Ça, quand je vois ça, je me sens très heureuse. Oui. Shakil, pourquoi pas une photo? Bon, c'est parce que c'est ma passion, c'est mon talent, oui. J'ai pas de talent pour faire des photos, mais j'essaie. Mais par contre, l'art, à l'époque de Jésus, bon, il n'y avait pas des appareils photo, il y avait des dessinateurs. Même aujourd'hui, il y a des dessinateurs. C'est pour cela que je reste dans le domaine de l'art. Il faut montrer les gens que même nous, les dessinateurs, même nous, les artistes, nous avons des talents. Nous pouvons même reproduire les choses que nous voyons ici au Burundi. Par exemple, je peux dessiner un tambourinaire si mon portrait part à l'étranger. Ils vont savoir c'est au Burundi. Qui a fait ça? C'est un artiste burundais. C'est pour cela. Par contre, les photos ne parlent pas. C'est pas comme l'art. Mais il y a la touche l'art, du dessinateur. Oui, la touche du dessinateur, la touche africaine. Donc l'art parle. C'est pas comme en photo. Ouais. Une transition et nous revenons dans le studio de la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous écoutez la radio Isanganiro et c'est l'émission Forum Jeunes. Aujourd'hui, on est en train de parler du métier de dessinateur avec les jeunes burundais. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook Forum Jeunes / Radio Isanganiro. Et dans les studios, nous sommes avec Alain Mutore et Shakil Mugisha. Alain, qu'est-ce que tu as déjà gagné vraiment avec ce métier? À part la visibilité. Oui. Bon, J'ai élargi ma connaissance en art de dessiner. Maintenant, je dirais que je commence aussi à travailler pour, je dirais, côté pour financièrement. Pour ton compte. Non, financièrement, oui, mais c'est surtout que j'ai élargi ma connaissance. Est-ce que le dessin sur papier et la peinture, est-ce que tu peux faire les deux? La peinture, les cadres, les tableaux, ou il y a une formation de base que tu dois avoir pour être peintre, par exemple? Oui, il y a, pour le moment, je ne suis pas peintre. Oui, tu restes dessinatrice seulement? Oui, j'utilise le crayon seulement. Oui, mais j'ai l'intention de aussi apprendre à utiliser la peinture. Et tu vas continuer sur le papier seulement? Non, j'ai l'intention aussi de dessiner sur l'étoile. Shakil, bon, on a compris que tu as déjà remporté beaucoup de prix. Mais peut-on dire vraiment que c'est un métier qui présente des opportunités pour les jeunes? Oui, c'est un métier qui représente des opportunités pour les jeunes. Par exemple, si le Burundi participe dans... il y a des compétitions qui... en Europe, il y a des compétitions de l'art. Alors, si les jeunes Burundais ont la chance de participer, il y a la visibilité du Burundi. Il y a la visibilité de l'artiste, même la visibilité du Burundi. Par exemple, il y a les jeunes dessinateurs et dessinatrices du Chakart ont participé dans une compétition qui s'intitule Croque ton histoire. Croque ton histoire. Bon, il y a 8 jeunes artistes qui viennent de chaque carte. Il y a 2 gagnants. Une fille qui s'appelle Divine Dou. Elle dessine avec un stylo. Il y a un autre garçon qui s'appelle Simon Carmel. Donc, comme Divine a pu gagner 500 euros, je crois, et Simon a pu gagner 270 €. C'est pas peu pour un jeune. C'est beaucoup. Il représente le Burundi. Il représente... il montre que même au Burundi, il y a des talents. Même nous, les jeunes Burundais, nous sommes capables. Est-ce qu'on peut vraiment vivre de ça? Oui, on peut vivre de ça. Avec les commandes, ça va? Oui. Par exemple, on peut faire des commandes... les hôtels. Il y a des hôtels qui... Il y a des nouveaux hôtels. Par exemple, comme moi, il y a des hôtels qui sont en train de... d'être construit au Rwanda. Il m'appelle ou il m'écrit sur mon compte Facebook et m'a dit Shakil, tu vois, nous voulons que tu nous fasses quelques toiles, quelques dessins. Est-ce que tu peux faire pour nous? Je dis oui. Et il paye le billet d'avion pour que je pars au Rwanda et je fais des services qu'ils m'ont demandé. Je fais leurs tableaux. Alors c'est pour cela que je dis que on gagne quelque chose dans l'art. Tu mets au sérieux ce que tu fais. Est-ce que l'appellation du métier ne va pas changer avec le support que tu vas utiliser? Parce qu'au départ, vous utilisiez le papier. Non. Quand tu vas sur la toile, ça ne va pas changer directement? Non. Même si on utilise des papiers, ce n'est pas les papiers que vous voyez, les papiers A4, les papiers simples. Il y a des papiers Bristol, il y a des papiers Canson. Donc, ce sont des papiers qui sont pour l'art. Donc c'est pour cela que les dessins que nous faisons, ce sont des dessins qui ont des qualités. Il suffit seulement de les mettre dans des bons cadres pour qu'ils restent en protection. Si on n'utilise pas des papiers, on utilise des toiles. Shakil, on a compris qu'il y a des opportunités que les jeunes peuvent tirer de ce métier. Quelles sont les contraintes que tu as rencontrées quand tu exerçais le métier? C'est surtout le matériel. Parce qu'il y a des dessins. Avant, je pouvais voir une œuvre de quelqu'un d'autre. Et je me demandais comment il a pu, ou bien elle a pu avoir ce résultat. Et moi, parce que je n'avais pas ce matériel, il m'était difficile de pouvoir atteindre le même résultat. Et je dirais aussi, il y a aussi... le problème de visibilité, bien sûr. Comment il y a manque de visibilité ici au Burundi? Oui. Mais maintenant, ça commence à s'améliorer quand même. Mm-hmm. Oui. Et tu espères que ça va aller les jours prochains? Oui. Ça, j'espère qu'on pourra arriver très loin avec l'art. Oui. Il y a des contraintes que tu as connues? Oui, beaucoup. Manque de matériel, manque de visibilité. Parce qu'à à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas... Bon, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il y avait seulement des radios, il y avait des télés. Mais il n'y avait pas des réseaux sociaux pour que nos œuvres aillent de plus loin. C'est pour cela que maintenant, c'est bon. Maintenant, si tu fais quelque chose, tu peux mettre sur ton réseau social. Les gens vont voir ce que tu fais. Mais à l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Donc, la visibilité était vraiment difficile à faire. Difficile à faire. Manque de matériel, parce que les matériels que nous utilisons sont vraiment chers. Tu peux acheter une boîte de crayons. Une boîte de crayons, ça coûte $50, tu vois. Et vous les achetez ici au Burundi ou vous faites des commandes en Europe, ailleurs? En Europe. Donc, il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir de l'argent pour les transporter. Il faut avoir des... Maintenant, il y a même l'auberge. Tu dois payer même l'auberge pour que tu aies tes matériels. Et quel message pourrais-tu lancer aux jeunes qui voudraient bien embrasser ce métier? Bon, j'aimerais lui dire que... Bon, qu'ils viennent. Bon, dans l'association Chakart, bon, parce qu'on est en partenariat avec le YTE, bon, c'est une autre association de jeunes talents, des multi-talents, donc c'est le YTE en sigle. Bon, c'est Young Talent Entertainment. C'est une association des jeunes talents. Donc, il y a plusieurs talents. Dans Chakart, il y a seulement des dessinateurs, mais dans YTE, il y a des dessinateurs, des chanteurs, bon, des comédiens, etc. Est-ce que vous pouvez identifier un talent qui n'est pas connu de celui qu'il a? Oui. Donc, il faut aller aux personnes qui font le métier pour peut-être vous orienter. Oui. Bon, maintenant, nous sommes en train de travailler sur un projet intitulé Art Talent. Il y a l'événement que vous avez déjà fait. Oui, c'était le lancement officiel. Ce n'est pas les premières éditions. La première édition aura lieu en août. Donc, on n'a pas encore fixé la date, mais c'est en mois d'août, en 2017. Mais ceux qui voudraient bien se former eux-mêmes sans entrer dans votre association, quel message à eux? Bon, le message que je pourrais donner, c'est... Bon, il faut essayer. Il faut essayer. Si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Mais est-ce que c'est vraiment facile de détecter un talent quand on l'a? Oui. Tu peux. Bon, si tu as un talent, c'est quelque chose que tu fais à chaque fois. Bon, tu as soif de faire cette chose. Donc, si tu as soif tous les jours de faire cette chose, c'est un talent. Et surtout, ça vous permet de gagner quelque chose? Oui, ça nous permet de gagner quelque chose. Par exemple, de l'argent pour payer mes études, de l'argent pour m'habiller, de l'argent pour me déplacer, pour donner quelque chose à ma famille, etc. Alain, quel message pourrais-tu lancer aux jeunes qui voudraient bien commencer avec le métier de dessinateur ou un autre métier qui est en lien direct avec un talent? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils ont peur de demander. Ils peuvent voir, cette personne-là, il connaît tout à propos de l'art. Mais je ne peux pas l'approcher pour lui demander. Donc, je leur conseillerais d'affronter cette peur et d'aller de l'avant et surtout d'avoir du courage et ne pas se laisser décourager par les autres. Parce que chaque fois quand on veut se lancer dans quelque chose, il y a toujours certains qui disent non, ça n'a pas d'importance. Et d'autres qui t'encouragent. Donc, si vraiment tu aimes cette chose-là, lance-toi. Et si tu remarques qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à atteindre ton objectif, n'aie pas peur de lui demander. Oui. Donc, il faut toujours approcher ceux que tu as déjà identifiés comme ceux qui ont déjà évolué dans le métier. Oui. Oui, parce que ils connaissent beaucoup, ils ont affronté beaucoup d'obstacles. Ils peuvent même t'aider, te donner des conseils pour mieux évoluer. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Est-ce que la contrainte liée aux moyens financiers, est-ce que tu penses que ça va être non, facile? Non, peut-être tu peux acquérir mm-hmm. La connaissance et après, quand tu auras les moyens, tu pourras aussi utiliser et tu pourras combiner les deux. Mm-hmm. La connaissance que tu as acquise et, mm-hmm. Les, mm-hmm. et le moyen financier et aussi. Et question formation, comment on peut se former si on n'a pas un niveau lié directement à ce métier? Si on n'a pas un niveau lié directement mm-hmm. à ce métier. Mm-hmm. Question formation, parce que mm-hmm. ici au Burundi, est-ce qu'il y a des formations, à part votre association, est-ce mm-hmm. qu'il y a des formations qui sont délivrées aux dessinateurs? Non. Mm-hmm. Non. Donc, allez, c'est ça. Mm-hmm. Oui, elle était ça seulement. Oui. Mm-hmm. À Gitega. Oui. Donc, il faudrait aller à Gitega pour non, être formé. Non, mm-hmm. c'est pas ça. Par exemple, je peux vous donner un exemple sur mm-hmm. moi. Oui, oui. Il y a déjà des réseaux sociaux. Il y a Google. Mm-hmm. Tu peux aller là-bas. Il y a des vidéos, des gens YouTube. Qui, oui, mm-hmm. qui dessinent. Mm-hmm. Tu peux regarder et essayer d'appliquer les mêmes techniques. Mm-hmm. Ou bien Si tu connais déjà quelqu'un qui fait ça, tu peux même aller regarder comme ça, avec mm-hmm. les yeux. Mm-hmm. Même quand tu regardes, tu apprends beaucoup. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci, Alaine. Mm-hmm. Et c'est sur ces mots que nous clôturons cette émission. Merci, Alaine Mutole, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Merci également à Shakil Mugisha d'être venu. Et vous tous, vous êtes de l'association Chakart, qui regroupe des jeunes à talent de dessinateurs. La mise en onde était assurée par Aimé Toussaint Mitevouti et au micro, vous étiez avec Alida Ndaikeza. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, Forum Jeune/Radio Isanganiro. À la prochaine.